Votre mari a 9 sœurs ? Non, il en a 10. Vos parents ont 2 télés ? Non, ils en ont 3. Vos enfants ont un ordinateur ? Non, ils en ont 2. Votre concierge a 3 chats. Non, elle en a 4. Vous avez 2 cartes de crédit. Non, j'en ai 3.